Le vase du Japon. On sonnait le dîner, Julien n'eut que le temps de s'habiller. Il trouva au salon Mathilde, qui faisait des instances à son frère et à Monsieur de Croisenois. Il eût été difficile d'être plus séduisante et plus aimable pour eux. Après dîner, parurent Messieurs de Lutz, de Kélus et plusieurs de leurs amis. Le canapé bleu fut le centre du groupe, comme en hiver. Mathilde avait de l'humeur contre le jardin, ou du moins il lui semblait parfaitement ennuyeux. Il était lié au souvenir de Julien. Ceux des amis de Mademoiselle de La Mole, qui étaient placés près de lui, à l'extrémité du canapé, affectaient en quelque sorte de lui tourner le dos. Du moins, il en eut l'idée. « Je joue ici un rôle indigne », pensa-t-il tout à coup. Il s'agissait de quitter sa petite chaise de paille d'une façon qu'il ne fût pas trop gauche. Le malheur était trop évident dans toute sa manière d'être. Il jouait depuis trois quarts d'heure le rôle d'un importun subalterne auquel on ne se donne pas la peine de se cacher de ce qu'on pense de lui. Les observations critiques qu'il venait de faire sur ses rivaux l'empêchèrent toutefois de prendre son malheur trop au tragique. Il avait, pour soutenir sa fierté, le souvenir de ce qui s'était passé l'avant-veille. Sa sagesse n'alla pas plus loin. Il ne comprenait nullement le caractère de la personne singulière que le hasard venait de rendre maîtresse absolue de tout son bonheur. Il s'en tint la journée suivante à tuer de fatigue lui et son cheval. Il n'essaya plus de s'approcher le soir du canapé bleu auquel Mathilde était fidèle. Il lui semblait qu'une chose apporterait à sa douleur un soulagement infini, ce serait de parler à Mathilde. Mais cependant, qu'oserait-il lui dire ? C'est à quoi, un matin à 7 heures, il rêvait profondément lorsque tout à coup il la vit entrer dans la bibliothèque. « Je sais, monsieur, que vous désirez me parler. »« Grand Dieu, qui vous l'a dit ?»« Je le sais, que vous importe. Si vous manquez d'honneur, vous pouvez me perdre. Mais ce danger ne m'empêchera certainement pas d'être sincère. Je ne vous aime plus, monsieur. Mon imagination folle m'a trompé. » À ce coup terrible, éperdu d'amour et de malheur, Julien essaya de se justifier. Rien de plus absurde. Se justifie-t-on de déplaire ? Mais la raison n'avait plus aucun empire sur ses actions. Un instinct aveugle le poussait à retarder la décision de son sort. Il lui semblait que tant qu'il parlait, tout n'était pas fini. Mathilde n'écoutait pas ses paroles. Leur son l'irritait. Elle ne concevait pas qu'il eût l'audace de l'interrompre. En un instant, Mademoiselle de La Mole arriva au point d'accabler Julien des marques de mépris les plus excessives. Elle avait infiniment d'esprit, et cet esprit triomphait dans l'art de torturer les amours propres et de leur infliger des blessures cruelles. Pour la première fois de sa vie, Julien se trouvait soumis à l'action d'un esprit supérieur animé contre lui de la haine la plus violente. Loin de songer le moins du monde à se défendre, en cet instant, il en vint à se mépriser soi-même. Chaque mot centuplait l'affreux malheur de Julien. Il voulut fuir. Mademoiselle de La Mole le retint par le bras avec autorité. Lorsque Julien put sortir de la bibliothèque, il était tellement étonné qu'il en sentait moins son malheur. « Eh bien, elle ne m'aime plus », se répétait-il en se parlant tout haut, comme pour s'apprendre sa position. « Il paraît qu'elle m'a aimé 8 ou 10 jours, et moi, je l'aimerai toute la vie. » Les jouissances d'orgueil inondaient le cœur de Mathilde. Elle avait donc pu rompre à tout jamais. Triompher si complètement d'un penchant si puissant la rendrait parfaitement heureuse. La conclusion que Julien tira dans le premier moment d'une scène si étonnante fut que Mathilde avait un orgueil infini. Il croyait fermement que tout était fini à tout jamais entre eux, et cependant le lendemain, au déjeuner, il fut gauche et timide avec elle. Ce jour-là, après le déjeuner, comme Madame de La Mole lui demandait une brochure, Julien, en la prenant sur une console, fit tomber un vieux vase de porcelaine bleue laid au possible. Madame de La Mole se leva en jetant un cri de détresse et vint considérer de près les ruines de son vase chéri. « C'était du vieux Japon, disait-elle. Il me venait de ma grande tante, abbesse de Chelles. C'était un présent des Hollandais au duc d'Orléans, régent, qu'il avait donné à sa fille. »